طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم يعني بعد ما فكرنا في الدرس الذي أخذنا أمس بعبو الشروط دي مذكر سالم مثنى ووتر جوا كي سري بو كون لي سيت لي شروط يعني تو ابخون تعليقات دي كوتر النداء دو سكو الشيخ أبو بلال لا دوني جوست دون سباب لا بور باب الاستفادة كم سا أبخي يعني تعلم تماما الشروط حتى تعلم أن هذا ملحق وهذا جاء مذكر سالم أصلي أو مثنى أصلي وكذا سي ميو إن شاء الله على باش في با on évite de sortir du kitab mais là c'est une faïda elle est importante quand même. Ah voilà, j'ai rectifié une chose aussi. Ams takalamna fi kelimat ahloun. Ahloun, en fait, le fait que ce soit un mulhaq, c'est pas que c'est un ism al-jam comme j'ai dit hier après vérification. En fait non, c'est parce qu'en fait c'est un, quand on va le prendre là dans les shurut, c'est pas un alam muzakkar. C'est pas un sifa muzakkara. C'est ni un nom propre d'un homme, ni une sifa d'un muzakkar aqil. C'est pour ça que c'est un mulhaq. Et non pas parce que c'est. Parce que elle, ça peut être une seule personne. Contrairement à ce que j'ai dit hier. Elle, mais ahli, ça peut être ta famille, ça peut être ta femme. Quand tu te l'as, elle est moufrad. Fahim zahada? Taïb. اولا سناخذ حكم المثنى يعني شروط المثنى اشدي لا دي كوتر النداء avec la hachia de Cheikh Abi Bilal en arabe on dira Cheikh Abi Bilal mais en français on va dire Cheikh Abi Bilal parce qu'il n'y a pas de mudaf mudafli طيب قال المؤلف كي ابن هشام اولا اما المثنى فانه يرفع بالالف نيابه عن الضمه ça ou yujarru bil nasb ou bil ya niabatan an kasra ou al fatha sans la prière. Donc c'est quoi le ta'lif du musanna? Ou al ism al mu'rab adal ala thnain ittifaqan fil wazn wal huruf bi ziyadat aghnat an al atif wal ma'tuf. Donc c'est un ism qui est mu'arab, qui a un sens de duel, de deux. Et dont ces deux-là, ils ont le même wazn et les mêmes lettres. Mathalan, bayt, wa bayt. C'est le même wazn, c'est les mêmes lettres. Donc on va dire quoi? Baytani. D'accord? Thumma qala, bi ziyadat, أغنت عن العاطف والمعطوف لكن أنا جو ستجو سيكوا الألف والنون في رف والياء والنون في جار والنصب ستجو يتكوا يفكر تتو باس دي عاطف دي معطوف مثلا تبقى دير جاء تبقى دير عندي بيت وبيت تام عاطف وتام معطوف بابن جاسا تدير عندي بيتان مباشرة فهمت؟ Donc il y a des choses qui sortent de ces shurut là et qui sont en mulhaq. Parmi elles, akhadna kila wa kilta. À la base, c'est pas venu d'un seul mot qui a un même waz et un même huruf. C'est un mot qui est venu directement comme ça. Il n'a pas de mufrad min lafzihi. Il y a isnain wa snatain, comme on l'a pris hier. نعم وسنتان وسنتين كذلك مصعبهم هم من مو مثلا دي شوز كي سون كوزري كوم الحق كو تي بو بتيت سوفون انتون العمراني العمراني اي عمر وعمر والعمران يطلق الامان على ابي بكر وعمر فهمت بس تطول العمران لي دو عمر ان فيرس ابو بكر وعمر maintenant ça entre les shurut est-ce que ça vient de deux mots qui ont le même wazn et les mêmes huruf لأن أبا بكر شخص وعمر شخص دونك لا سيت كوا سيت ملحق مي فابون الحكم دي مثنى في هذا الباب عندنا ماذا الأبوان أوفرس سور لي بارون الأم والأب. لكن تقريبا أطلق على الأب. قلنا الأبوان. Ça sort des شروط. Quand on n'a pas un عطف un معطوف. Avec un même mot. À la base, on a l'Oum, on a l'Ab. Deux mots différents. يقال مثلا شوكس الكمران ودي عشان في الكمر كذلك سبب tout ça c'est ملحق du مثنى c'est pas un مثنى كمر on a une seule lune on n'a pas deux يقال الكمران للشمس والقمر si je me trompe pas يطلق على الاثنين من نفس كان نفس وزن نفس حروف. Il faut qu'il ait un moufrad, en fait, de son lov. C'est quand tu dis Beitan. À la base, Beitan, ça vient quoi? Beit ou Beit? Nefs ou wazn, nefs ou hurouf. Aime-t-il ça? Oui. فبهذا الآن تستطيع أن تميز بين المثنى الأصلي والملحق في المثنى. بعد هذا جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم معروف يرفع بالواو ويجر وينسب بالياء. ذكرناه أمس. ما هو تعريف الجمع المذكر السالم؟ كل ما دل على أكثر من اثنتين أو من اثنين عفوا من اثنين مع سلامة بناء واحده من التكسير وكان له مفرد من لفظه سواء كان علما كزيدون أو صفة لمذكر عاقل كقائمون. دونك لا التعريف الإمام يجمع الشروط من الشروط. دونك سي كوا tout ce qui montre qui est au-dessus de مثنى. Regarde bien, il a dit Madalla ala akthar min isnein. Il n'a pas dit wasnatein. Isnein parce que c'est quoi? C'est muzakkar. Donc tout ce qui montre un pluriel qui est plus de deux. Dont le love de son singulier est resté neutre. Intact, on va dire plutôt. Il n'a pas changé. Il a un mufrad. Tu as juste rajouté wa ou nun ou ya ou nun à la fin. Son mufrad est assez pareil. Zayd, zaydouna. C'est pour ça qu'on appelle Salim. Zakar Salim, c'est-à-dire que son mufrad, il est resté tel quel. Donc il a été préservé du taksir. Si jamais on a un taksir qui se fait par rapport à son mufrad, c'est yakhoud hukm al mulhaq. Wa mimma zakarnahu ams, mafalan, aradun. Et également Aradun, c'est pas un Isma Alam et c'est pas une sifa de Muzakkar Aqil. Donc il y a plusieurs ilal dedans, plusieurs raisons. Parmi elles, le taksir. Minhu mathalan Banoun. Banoun wa Banin. Qui vient de quoi à la base? Ibn. C'est un mulhaq. Parce qu'il y a un taksir par rapport à quoi? Par rapport à son mufrad. Il y a un taksir. À la base, c'est Ibn. Et là, ça devenu, c'est devenu quoi? Banin ou Banoun. Donc là, Yustafad bin Hala, min al-shurut du Jam Muzakkar Salim, que ce soit à la base pour un ism alam, comme Zayd. Je veux dire, déjà, Zaydoun, c'est-à-dire plusieurs Zayd qui sont venus. Zayd, wa Zayd, wa Zayd, wa Zayd, wa Zayd. Et c'est attention, هذا فقط المذكر. Donc tout ce qui est alam muzakkar yujma bi hadha al-jam. À part si l'indjam taksir également, il peut avoir les deux. Mais l'indjam muzakkar salim, quand c'est un ism alam. كذلك ouais, il ne faut pas que ça murakkab aussi. Il ne faut pas que ça murakkab. Tamam. كذلك يكون Et on précise, Muzakkar, il faut qu'il soit Muzakkar Aqil. Aqil, on peut préciser, Aqil, et qu'il soit dénué de Ta' Marbouta. À l'exemple de quoi? Hamza, Muawiya, Talha, Adil Asma, Makhtouma bi Ta' Marbouta. Donc on ne peut pas venir avec un Jam Muzakkar Salim. Et ici, il n'est pas murakkab, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un ism murakkab. Donc ça, c'est les shurut dans l'ism alam. Wa sifa, lorsque c'est une sifa, min shurutihi, que soit kazalik sifa, muzakkar aqil. Muzakkar aqil. Également qu'il n'y ait pas de ta à la fin. T'as un exemple d'une sifa, muzakkar aqil, qui a un ta à la fin? Il y en a. Tu l'entends fréquemment. La CMA fi marakiz al-ilmiya. Dans le hadith. كثير تسمع هذا. أظن كل يوم تسمع هذه الكلمة. La CMA درس البلوغ. هذا الراوي ثقة. Tu dis quoi? Sikatun. Et c'est une sifa. Tamam? Ou tu peux dire kadhalik al-allama. Al-allama. Al-sheikh al-fulani. Tout ça. Tu ne peux pas dire, mesalen, sikatuna. Ma yujed. Tu veux dire sikat. Il va être comme un jam anas salim. لا يعني المركب ça c'est dans اسم علم on n'a pas cité ça encore dans صفة مذكر عاقل خالي أو خالية عن التاء خلاص شكرا صوب الخطأ وسليمان لا خطأ صويب هذا طيب كذلك من شروطه من الصفات المذكر عاقل كسوى باج باب أفعل فعلاء قبل اسم التفضيل مثلا أحمر أحمر Tu ne vas pas dire, mesalen, si son féminin c'est Hamra, il n'aura pas de Jamuzakar Salim. Tu vas dire Humur. Ou Humur plutôt. Humur c'est les ânes. Un ism tafdil, ou, mesalen, quoi, par exemple, Asma al-Uyub, comme tu vas dire, Fulen, A'war, il est borgne. Tu ne vas pas dire Hum A'waroun. Hein? C'est pour les asma des uyoub, comme les défauts. Ça prend le même wazn que les couleurs. La wazn af'al et le moana c'est fa'la'u. Comme ahmar, hamra'u. A'war, awra'u. Enfin, il ne faut pas que ça soit dans ce bab-là. Ni dans le bab, fa'alan, dans le féminin, c'est fa'ala. Fa'alan, ça rentre dans quel wazn? Dans le mamnoum al-sarf, dans ziyarat alif et noun. Enfin, c'est sifat-là, quand même, la base, c'est qu'il n'y a pas de jam muzakkar salim. Mesalan, un que tu entends, radban. Radban, tu vas pas dire radbanoun, comme beaucoup de gens disent, c'est un khata. Tu vas dire ridab, hum ridab. Pourquoi? Car le féminin de radban, c'est quoi? Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, on va dire radbana. Ça, c'est khata. tout ce qui vous dit c'est Ghadba avec Alif Maksoura. Un exemple, Kazalik, Soukran. Son féminin, c'est Soukra. Et bien, le djem, ça va être quoi? Soukara, comme a dit le Coran. Tu vas pas dire Soukranoun. L'homme, les gens, ils font pas attention tout de suite. Allez, dès que c'est un djem Mouzakar, il peut être un Wawanoun. Et dès que c'est un Mouannas, il peut être un Marbouta. Il y a des Hakem. À la wazn Af'al, dont le féminin, c'est Fa'ala ou. Ni. À la wazn fa'alan, dont le féminin c'est fa'ala. Voilà, fa'alana. Adama yujad hada. Salen fulen jaw'anu. Le féminin c'est jaw'a, c'est pas jaw'ana, comme yakoul en nas. Ala khata. C'est jaw'a bil alif, fil akhir. Wa kadhalik. لا ينبغي أن يكون ما يستوي فيه المذكر والمؤنث une صفات qui s'accorde au masculin comme au féminin. T'as des mots, ils sont mixtes. مثلا صبور. تقول هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور. Tu dis pas صبورة. Tu dis هذا رجل جريح blessé هذه امرأة جريح. Tu dis pas جريحة. تمام. هذا من الشروط. Mais ça, tu prendras plus dans le kutub de sarf. هذا, fais attention. C'est pas tout. Sifa muzakkar aqil, tu m'as dit muzakkar salim à la tol. Il y a des shurut. Après, il faut s'en rappeler. Bila shak. هذا شيء آخر. Wa. تمام وما جمع بالف وتاء مزيدتين مزيدتين والملحق به سكون ابل جم المؤنث المؤنث السالم سيتي également nommé par ma jumi bi alif wa ta c'est pas avec toi ce qui était tamam mis en pluriel en rajoutant un alif et un ta attention c'est un short tu as des asma. Le alif et le ta, ils sont d'origine. Mathalen bint. Mawal jam? Benat. Le ta, tu vas pas dire mathalen raitou benatin. Jam benatan. Le ta, il est asli. Le alif, il est zaïd, mais le ta, il est asli. Ou abiat, le jam de bait. Comme pour les vers de poésie. Abiat. Le ta, il est asli. Donc lui, مثلاً, هذا الجم il a moins de شروط que les autres. فهمت؟ il a moins de شروط. يدخل في كذلك الأسماء التي هي مختومة بالتاء مربوطة ولو كانت مذكرة. Comme Talha, tu veux dire Talhat. Hamza, tu veux dire le Hamzat. Sakhouz, Yakhouz Adal Hukm. Jem, Al-Mouanaf, Al-Salib. Tu veux dire, مثلا, Raitu, Talhatin, Filbeit. J'ai vu plusieurs Talha dans la maison. Tu veux dire Talhatin. Yakhouz Adal Hukm. Aslan, Kulluma Yukhtam, Bitte Marbouta, Yujma Adal Jam. Là que tu vois Te Marbouta à la fin d'un mot, et qu'il est un pluriel, son pluriel c'est celui-là. Même si c'est un muzakkar. C'est pour ça que le meilleur, c'est de dire, comme l'a dit l'auteur dans le Qatr, c'est pas de dire « Jem al-mu'annaf al-salim » parce que tu as des mots, ils sont muzakkar qui prennent ce jem-là. Donc le meilleur, c'est de dire quoi ? Ce qui a été mis en pluriel en ajoutant un alif et un ta. « Ada ajma' »« Ada ashmel » car lorsque tu dis « Jem al-mu'annaf al-salim » les gens pensent que c'est que pour le mu'annaf. Alors que là, c'est un hammam, on dit quoi ?« Hammamat » Et « hammam » c'est quoi ? Muzakkar. Et même si son mufrad, il a un taksir qui se passe, il reste, مثلاً, sajda, sajda. Vous voyez, un sujud, sajda. Bi, taskin, adjim. Le djim, c'est sajadat. Il y a un taksir. Pourquoi on a mis une fatha sur le djim cette fois? Walou, ma yataghayyir, yakhudha dal hukm. Et c'est pas un mulhaq. C'est un djim, onef, asalim. Par contre, mimma yakhudh hukm al-mulhaq, on l'a cité, mathalan, oulat. Oulat. Limadha oulat? Liannahu laysa lahu mufrad min lafdhihi. Oulat, ma'na zawat. C'est le féminin de oulou, comme tu dis, mathalan, Ulul al-bab wa ulul amr, pour dire les gouverneurs. Fait de, yani, c'est le ma'na, ma'na zou, comme dans l'asma al-khamsa. Ahemt? Ma'na zou, ma'na zawat. Il n'a pas de mufrad, il a pas de mufrad. Il est venu que comme ça. Lui, c'est un mulhaq. Et c'est un ism jam qui a un sens de pluriel, à lui tout seul. مفهوم هذا؟ فهذا حاول أن تجعل هذه المعلومات في رأسك وأن تعمل بها بقدر استطاعتك. Là on a pris des شروط du مثنى, du jam المذكر, المذكر السالم, et شيئا من ما جمع بألف وتاء مزيدتين. مفهوم هذا؟ طيب. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.